aller chasser des orchidées au fond d'une mer sacrée salée, où je plonge. Quand j'y plonge, j'y croise tes ombres qui se bricolent des songes au fond des ondes où je m'allonge. L'écume allume tes franges qui s'enrhument à marée basse, la mer m'enlace. De ces lacets de mousse blanche, mon cœur pâle suit de l'océan. Et la vie s'illumine ma chemise vers des rives sous-marines. J'ai mis les voiles, c'est l'appel du grand large, loin des ombres citadines, loin de ces pâles figurines. J'ai levé l'ancre, je suis parti à la nage. Les golfes clairs ont été chantés maintes fois, mais qui les connaît toutefois? Sûrement pas quelques chanteurs de métropole venant des rives du métro, aux vagues humaines et incertaines, violentes, froides, follement vertes. Pour ma reine une murène, parmi les algues sereines, je me promets. Les cardons, les goujons, soient mes chimères et mon bourdon. Je travaille ma voix, je me fais sirène, les sols me donnent le ton. Et la vie s'illumine ma chemise, envers des rives sous-marines. J'ai mis les voiles, c'est l'appel du grand large, loin des ondes. Citadine, loin de ces pâles figurines, j'ai levé l'ancre, je suis parti à la nage. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey, hey. Et la vie s'illumine ma chemise vers des rives sous-marines. J'ai mis les voiles, c'est l'appel du grand large, loin des ombres citadines, loin de ces pâles figurines. J'ai levé l'ancre, je suis parti à la nage.